Écoute, j'ai un bon conseil. Tu la jettes dans un fossé et tu vas rentrer dans l'ordre. Après, tu vas prendre une grosse flûte. 12. Bonsoir, mademoiselle Karma. Thank you. voiture de chiffre. pays. Merci pour vos conseils. Circulez maintenant. À mon avis, ça se fait. Et alors. Ça sent le couscous? Ça sent le couscous? Ah merde, on mange pas le couscous ce soir. Ah oh merde, c'était bon le couscous. J'avais trouvé une bonne bouteille d'épinards en plus. We'll be right back. pas jouer. mangé du gâteau. J'ai mangé du gâteau. Thank you.